Ah, déjà, d'accord. Je m'associe aux remerciements d'Eva et je remercie aussi et surtout Eva pour son dynamisme et sa grande ouverture d'esprit, puisque l'idée vient d'Eva, bien que tu ne sois pas une spécialiste du XVIIIe siècle des Lumières, mais beaucoup plus de philosophie contemporaine et de philosophie des sciences sociales. Je vais essayer d'être très bref, parce qu'on a déjà du retard. Je comptais parler un petit peu de Montesquieu, mais premièrement, il y a des millions de spécialistes de Montesquieu, beaucoup plus que moi, et même ils sont nombreux là, je crois. Il y a, je crois, un panel représentatif des meilleurs spécialistes de Montesquieu. Se multiplie sans arrêt. C'est vrai, je ne sais pas s'il y en a trop, mais en tout cas, ils sont là. Mais peut-être, je dirais peut-être deux mots très très très vite. Je voulais peut-être aussi partager une idée que j'ai eue en travaillant pour préparer ce séminaire avec Eva. C'est que je crois que le thème du doux commerce n'est pas tout à fait ou pas exclusivement un concept philosophique. Au sens, par exemple, de Kozelek, hein, qui est une espèce de concept époque qui viendrait cristalliser dans plusieurs couches de sens, même si c'est un peu ça aussi, l'esprit d'un temps. C'est un peu plus qu'une simple idée aussi. Je crois qu'on a typiquement là un lieu commun, y compris un lieu commun savant, c'est-à-dire partagé aussi par des savants, des intellectuels et des philosophes, et qui a pour caractéristique d'avoir été en partie façonné, dans son sens économique du moins, par des philosophes et des théoriciens dont le métier est plutôt de nous déprendre de l'opinion courante, hein, et des préconceptions. Et c'est paradoxalement ceux qui ont le plus contribué, mais parfois involontairement, et c'est sans doute plus la réception de certains de ces philosophes comme Montesquieu que ce qu'ils ont vraiment dit par ailleurs, qui ont le plus contribué à façonner, sans vouloir forcément, donc ce lieu commun. Bien sûr, il y a bel et bien un saut qualitatif entre de grandes entreprises théoriques comme celle de Montesquieu, des physiocrates, d'Adam Smith, bon, même si tous n'ont pas véritablement porté à parts égales le thème du doux commerce. Il y a un saut qualitatif entre toutes ces entreprises théoriques et les usages, hein, de ce topos, de ce lieu commun dans les discours politiques. Et je crois que l'un des objectifs de cette journée, c'est d'identifier la complexité, l'ambivalence, les intermittences, les revues dissonantes, hein, des dites théories du doux commerce. Très vite, que le commerce adoucit dans le thème même, le lieu commun du commerce, on pourrait dire d'abord que c'est la dureté des rapports sociaux dans une société aristocratique, hiérarchisée, ordonnée à la gloire et la guerre, c'est-à-dire ça adoucit la violence des mœurs féodales. Et donc le doux commerce, vu avec cette focale assez large dans un premier temps, a donc rapport avec l'émergence de la modernité et des effets de la montée en puissance de l'économie marchande ou de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle les progrès du commerce. Hirschman, puisqu'il est question quand même de lui beaucoup, dénombrait dans un autre texte que Les passions et les intérêts, qui forme le point de départ de cette journée, trois interprétations rivales du marché: civilisatrice, destructrice, faible. Le doux commerce paraît, bien évidemment, associé à la première interprétation. La croissance économique, la prospérité, le commerce dépassionnent les rapports sociaux ou substituent l'intérêt à la passion. Il introduit du calcul, de la prévisibilité, ce qui est bien commode pour le législateur, en même temps qu'il favorise le progrès des sciences et des techniques. J'aurais d'autres choses à dire, mais je pense que c'est déjà beaucoup trop long. Je vais simplement au moins citer redonner la fameuse citation de Montesquieu, même s'il y a beaucoup de citations à donner. Je vois qu'il y a des sourires spontanés qui s'affichent sur les visages. Livre 20. Le commerce guérit des préjugés destructeurs. Et c'est presque partout une règle générale que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce. Et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Plus loin, l'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes. Fin de citation. Les éminentes plutôt spécialistes de Montesquieu savent bien quelle est toute l'ambivalence de Montesquieu par rapport au progrès du commerce. On peut au moins, disons, lister les différents niveaux où se mesurent les effets du doux commerce. Alors je m'inspire, j'allais dire, de vous tous et toutes, et aussi de un peu de Bertrand Binoche dans son introduction à De l'esprit des lois. Évidemment, en tout cas dans cette citation, il est d'abord question des relations internationales, la pacification des relations internationales. Donc c'est pas n'importe quel type d'adoucissement des mœurs. L'esprit de commerce se substitue à l'esprit de conquête, ce qui n'est pas une idée absolument originale chez Montesquieu, on la trouve déjà plus ou moins chez Jean-François Melon, bien avant. Bon. À d'autres endroits, on peut dire, de l'esprit des lois, il y a aussi le niveau politique, disons, le rapport des citoyens au pouvoir politique. Donc ça, c'est la modération du pouvoir politique. Les progrès du commerce marquent l'autonomisation de la sphère économique ou de ce qu'on pourrait appeler la société civile par rapport à l'État. Donc c'est un frein au despotisme et un remède au machiavélisme dont on ne se guérira jamais assez, comme dit Montesquieu. Troisième ou autre niveau, modération des mœurs, j'allais dire au niveau psychique, si je puis dire, au niveau des citoyens, c'est-à-dire l'activité marchande détourne l'agressivité des hommes vers une activité rationnelle, plus calculée, ce qui fait écho à finalement la définition weberienne une des définitions weberiennes du capitalisme qui explique que le capitalisme, c'est cette rationalisation de cette pulsion bien particulière qu'est l'appât du gain. Donc l'intérêt considéré comme appât du gain, c'est-à-dire recherche d'avantages matériels particuliers, est cette passion qui est susceptible d'être rationalisée, contrairement à d'autres, contrairement à la recherche de la gloire, de l'honneur, par exemple. Je cite Montesquieu quand même, et il est heureux pour les hommes d'être dans une situation où, pendant que leur passion leur inspire d'être méchants, ils ont pourtant intérêt à ne pas l'être. Donc là, on a effectivement très classiquement une opposition très claire, très limpide entre passion et intérêt. Et enfin, et j'en finis presque là, adoucissement des relations interpersonnelles. Alors là, Montesquieu est pour le coup très nettement ambivalent là-dessus. Certes, l'expansion du commerce fait reculer la féodalité. Cependant, des rapports non guerriers, donc non violents de ce point de vue, à savoir des rapports tarifés entre des individus marchands, des agents économiques, ne sont pas nécessairement marqués par la douceur ou la chaleur, puisqu'il s'agit de rapports froids, de calcul. Et si le commerce adoucit la relation internationale, s'il rapproche les nations, selon Montesquieu, il divise clairement les individus. Je cite « Mais si l'esprit de commerce unit les nations, il n'unit pas de même les particuliers. » Il pense en particulier, il pense spécifiquement aux Hollandais. Parce que il devient marchand et calculable au risque d'éteindre toute générosité et humanité. J'en finis sur Montesquieu, pour ne pas m'exposer plus aux coups éventuels. Et je dirais, pour élargir le propos, que ce topos ou ce lieu commun, y compris savant du commerce, Hirschman prétend qu'il s'efface plus ou moins de la conscience collective, après Adam Smith. Bon, Le sens. Le sens, peut-être, ouais, enfin, bon, je sais pas. Tu crois ? Oui. Ok. En tout cas, je crois qu'il a la vie dure. Et qui requiert une histoire de longue durée. C'est pour ça qu'on ne va pas se limiter exclusivement au XVIIIe siècle. Notamment grâce à Eva ou grâce à Frédéric Le Baron qui viendra cet après-midi et qui est sociologue. Je crois que ce topos est si souple et si plastique, c'est un topos, qu'il ressurgit sous des formes pas forcément immédiatement reconnaissables, y compris jusqu'à nos jours. Bien sûr, il y a une certaine rhétorique de la globalisation qui voit dans la levée des barrières douanières le libre-échange la condition du rapprochement des peuples et de l'expansion économique généralisée. Je la vois aussi dans la philosophie de la construction européenne, et ça, Frédéric Le Baron nous en parlera tout particulièrement, selon laquelle un espace de libre-échange fondé sur la concurrence libre et non faussée impliquera ou devrait impliquer nécessairement non seulement l'interdépendance des États membres de l'Union européenne, mais la construction politique d'un espace européen donc en renforçant cette interdépendance. Évidemment, et je m'arrête là, cette croyance économico-politique qui a pu être assortie de théories plus ou moins raffinées, cette croyance, ce lieu commun, est quand même quelque peu secouée par les dernières déflagrations des marchés financiers en particulier depuis 2008. Ceci étant dit, cette croyance n'en est pas à sa première crise et je crois qu'elle peut lui survivre. Et on l'aura compris, il s'agira très modestement aujourd'hui d'éclairer un pan essentiel de ce qu'on appelle ou de ce qu'on peut appeler le libéralisme de manière générique. Je m'arrête là parce que nous sommes déjà bien en retard et on va céder la parole et la place immédiatement à Pierre Crétois, notre premier intervenant, et Catherine Larère. Thank you.